appel arrivé, on s'est retrouvé dans un lieu inusité. Dans un bel endroit caché dans les bois, les enfants y sont les rois. On se fait des amis, on était des filles, on y vit dans l'harmonie. Ce pays de bonne humeur ne se retrouve pas ailleurs. Mais par un beau jour, ça va sans détour, nous y amène faire un tour, afin de nous dire bonjour. À travers les temps, nous nous sommes rencontrés, quand la machine s'est brisée, on a tous collaboré. À peine arrivé, on s'est retrouvé dans un lieu inusité. Dans ce bel endroit caché dans les bois, les enfants y sont les rois. On se fait des amis, on est des filles, on y vit dans l'harmonie. Ce pays de bonne humeur ne se retrouve pas ailleurs. À cette occasion, trois civilisations ont fait les présentations de toute leur population. Les vaillants mayas et les fiers égyptiens, les persévérants chinois, fraterniseront enfin. À peine arrivé, on s'est retrouvé dans un lieu inusité. Dans ce bel endroit caché dans les bois, les enfants y sont les rois. On se fait des amis, on est des filles, on y vit dans l'harmonie. Ce pays de bonne humeur ne